Pédale Scandale à Saint-Étienne tous les mois sur Radio Dio 89.5 et sur radiodio.org. C'est pour mes suceurs. C'est pour vous, mes suceurs. C'est pour mes suceurs. C'est pour qui? Celle-là, c'est pour mes suceurs. Ouais, toi aussi, là. Pour mes Dylan, pour mes Beuteux, pour mes Chibrax, pour mes trans, PD Queen. Je ne tends pas l'autre joue, je tends mon cul, camarade. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Pédale Scandale. On est lundi 8 avril, il est à peu près 20h30. On est en direct sur Radio Bio 89.5 à Saint-Étienne et ça grésille. et vous pourrez nous retrouver en streaming sur radiodio.org. Il n'y a pas eu d'émission le mois dernier et cette fois-ci on revient pour vous parler de la honte. C'est un sentiment, on a l'impression qu'il existe beaucoup dans la commu PD, que ce soit la honte de nos déviances, de nos sexualités, de nos addictions, de nos corps ou même de notre existence. Et parce que la honte, elle se nourrit des normes, du jugement des autres et du monde cis-hétéro. Parce que la honte, elle isole et elle peut nous faire sentir un peu cons. On s'est dit que c'était cool de se les partager et que ça pouvait peut-être nous donner un peu de force et nous faire sentir moins seuls. On vous a demandé c'est quand et c'est quoi et qui te fait ressentir de la honte. Est-ce que être PD, c'est la honte parfois pour toi? C'est quoi la honte d'être PD? Elle vient d'où? Elle te fait quoi? Comment tu fais pour sortir de la honte, pour soigner, contrecarrer ce sentiment? Est-ce que c'est des trucs perso, des trucs avec tes potes, des trucs collectifs et politiques? Et de quoi tu as honte en dehors du fait d'être PD? Du coup, on a reçu vos témoignages et en complément, j'ai tapé sur Google « Comment se débarrasser du sentiment de la honte ?» Il a répondu « Assumez vos défauts, faites-en des atouts, affirmez vos différences et surtout, surtout, oui, il y avait écrit « surtout, surtout » sur Google, « Acceptez-vous tel que vous êtes ». Mais ça paraît pas si simple que ça, alors on va vous en parler tout de suite et on vous laisse avec un premier témoignage. Salut les beautés, salut les pédales, salut les scandales. Si c'est pas trop tard, et si c'est trop tard, c'est pas grave. Vous aurez peut-être juste le plaisir d'écouter ce que j'ai à dire et les auditeurs ne l'auront pas cette fois-ci. Mais je voudrais juste évoquer un aspect de la honte, qui est celle qui m'a fait croire que j'étais hétéro, que je pouvais l'être, que c'était la seule voie. La honte, c'est ce qui m'a empêché d'être moi-même. La honte, c'était ce sentiment qu'être gay, qu'être homo, qu'être pédé, c'était inférieur, c'était méprisable, c'était terrifiant. La honte, c'était aussi associé à la peur ou à la terreur que d'être reconnu comme gay, pédé, homo, allait mener aux terribles conséquences que sont le rejet, l'insulte, la haine, la violence, l'agression, physique, symbolique, psychique. La honte, c'était un vêtement, ça a été un costume, ça a été un maquillage, ça a été un masque et ouais, c'est curieux parce qu'en vieillissant, en grandissant, je me suis emparé des mêmes mots, costume, maquillage et masque, pour faire rayonner la magnifique pédale que j'aurais pu être bien avant si la honte s'en était pas emparée. Pour être une drag queen, pour être une créature de la nuit et du jour, visible et fière. La honte, elle est très associée au mot scandale pour moi. Alors, cher pédale scandale, je vais me faire un petit détour par l'étymologie. Car le scandale, en grec, mes sources sont correctes, le scandalon, c'est la pierre d'achoppement. C'est le piège tendu sur le chemin qui provoque irrémédiablement une chute. La honte, c'est la peur de chuter... d'un statut de citoyen, d'individu normal et donc acceptable et donc aimable à celui de sous-homme ou de sous-merde ou de sous-individu, de sous-citoyen, de citoyen de seconde zone, de ceux qui ne méritent que rejet et mépris. C'était la peur du scandale qui faisait que la honte était si puissante, je crois, dans mon histoire. Alors voilà, c'était la petite histoire de Tata Foxy sur la honte. Je vous souhaite une très belle émission à tous et tout mon amour de pédale. Merci Tata Foxy. On vous laisse tout de suite avec un autre témoignage d'un camarade qui est là d'habitude avec nous dans le studio, mais qui n'a pas pu être là aujourd'hui et qui nous a envoyé un bel enregistrement. La première fois que j'ai participé à un atelier discussion sur la honte d'être gay ou pédé dans un web, un week-end pédé, j'ai été étonné qu'on soit aussi nombreux, nombreuses, et que ce soit un sentiment encore autant partagé dans nos communautés aujourd'hui. Avant cette discussion, je pensais que moi je ressentais aucune honte à être pédé, plutôt même de la fierté, étant donné qu'en tant que mec trans pédé, j'avais mis bien longtemps à me sentir légitime à appartenir à cette communauté. Mais en fait, je me trompais. Comme les autres, j'éprouvais cette honte d'être pédé à différents moments, et plutôt régulièrement. Alors en préparant cette émission, j'ai eu envie de m'interroger sur pourquoi on ressent encore autant ce sentiment aujourd'hui. D'où vient cette honte? Et pourquoi elle continue à se transmettre de génération en génération? Selon moi, la honte, elle est souvent liée à la peur, au besoin de se cacher, à la stigmatisation, en bref, à ce que les autres pensent de nous, projettent sur nous, ou veulent nous faire subir. Et on peut dire que tout au long de l'histoire, nos communautés ont dû vivre dans la peur et donc le besoin de vivre caché. Cette peur, elle se transmet de génération en génération. Elle fait partie de notre héritage et elle participe au fait d'avoir honte de nous-mêmes, ayant encore trop peu d'images positives. Si on prend l'histoire récente, on peut rappeler que les personnes homosexuelles ont été aussi persécutées par les nazis, déportées dans des camps, et les homosexuels masculins forcés à porter le triangle rose. On peut rappeler aussi qu'en France, l'homosexualité était dépénalisée qu'en 1982, qu'avant ça, les gays et les pédés étaient perçus comme des malades, des fous, voire assimilés à des pédophiles, qu'ils devaient se cacher, vivre dans la peur d'être dénoncés, voire chopés par les flics, condamnés, et du coup de perdre famille, amis, travail, etc. En 82, quand l'homosexualité est dépénalisée, selon les témoignages d'époque, c'est enfin la libération et la possibilité de vivre son homosexualité au grand jour, tout du moins pour certains. Sauf que cette libération ne dure pas longtemps, puisque en 83, aux USA, des gays commencent à mourir d'une nouvelle maladie, surnommée au début le cancer des gays. Une maladie sexuellement transmissible, appelée SIDA par la suite. Alors que cette maladie provoque une hécatombe dans les communautés gays et toxicomanes, qui recommencent à vivre dans la peur, mais cette fois de la maladie et de mourir, s'ajoute à ça un profond mépris, une forte stigmatisation de la part du monde hétérosexuel. C'est la faute des PD si cette maladie existe et se propage. Ils ont qu'à crever dans l'indifférence la plus totale, on s'en fout. Face à ça, quel autre choix que de cacher qu'on est séropositif, que de cacher qu'on est PD? Une sorte de retour au placard et à la honte. Mais aujourd'hui, alors pourquoi a-t-on toujours la honte d'être PD? Pourquoi sortir du placard c'est toujours aussi difficile? De quoi avons-nous peur? J'ai l'impression qu'il existe toujours, pour certains, la peur d'être perçu comme PD, d'être reconnu par ses voisins, sa famille. On voit bien, quand on traîne un peu sur les applications, notamment sur Grindr, qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'osent pas mettre de photos, qui demandent la plus grande discrétion. Alors, c'est sûr que certains sont parfois... ont parfois une vie d'hétérosexuel, sont mariés, etc., une vie de famille et tout, mais il y a aussi des personnes plus jeunes qui ont juste peur d'être reconnues par des gens qu'ils connaissent. Et sans vouloir rentrer dans la psychose, cette peur, elle est légitime, on entend quand même régulièrement dans des villes différentes parler d'agressions, de guet-apens, notamment de personnes qui se font piéger, encore une fois, sur Grindr. Ces agressions, elles existent encore parce qu'il y a toujours une haine des PD, une haine des gays, des homosexuels. Et selon moi, cette haine, elle est encore et toujours due à nos pratiques sexuelles. Et notamment au plaisir anal qui ferait perdre toute forme de virilité. Et pour illustrer ce propos, j'avais envie de vous partager des extraits d'un livre qui est une traduction d'un livre espagnol écrit par Javier Saez et Cerro Carrascosa qui s'appelle Enculé politique anal, qui est sorti aux éditions Les Grillages l'année dernière, il me semble. Et je vais vous lire des extraits du premier chapitre.

sous prétexte de ne pas exclure les personnes n'ayant pas de sexualité. Alors oui, je fais partie de ceux qui pensent qu'être PD, ce n'est pas juste une orientation sexuelle, ni qu'une manière de faire du cul, qu'on peut être ace, asexuel et PD. Cependant, je pense que nous devrions à aucun moment se sentir obligés de cacher ou d'avoir honte de nos pratiques sexuelles. Le plaisir anal fait partie de nous et de notre histoire. Alors ce soir, j'avais envie de dire publiquement, oui, j'aime me faire enculer. Et je kiffe aussi voir mes amants-amantes se tordre de plaisir quand je joue avec leur anus. Et il n'y a pas de honte à aimer ça. So gay yuppies and white old dudes can take over working class neighborhoods and buy organic groceries at Whole Foods. Congratulations to the married men and the runaway queers eating your hors d'oeuvres. I'm sure you invited them to the party, 'cause we all know who equality serves. Gay shame, gay shame, gay shame. Gay shame, gay shame, gay shame. Or Delilah to your Samson, busting your balls like a condom of lambskin. Transploid buddies who say you got a passel. Trans girls who like to do national asshole. You see me fully clothed and you're scared of my man cunt. If his pictures are not tack and grinder and manhunt, say you're not sexist, just a regular homo. If vaginas remind you of the whale that ate Jonah. Gay shame, gay shame, gay shame. Gay shame, gay shame, gay shame. Boyfriend, you can't even see how the movement's been poisoned. Gender queer is not in your vocabulary. You haven't talked to a lesbian since 1993. You sell conservative systems as innovation. You don't see a problem with gentrification. You don't know if your landlord is Russian or Haitian. You walk the streets of Brooklyn with your purebred Dalmatian. Gay shame, gay shame, gay shame. Gay shame, gay shame, gay shame. Coucou, vous êtes toujours dans Pédale Scandale sur Radio Dio 89.5 et sur radiodio.org. On vient d'écouter Gay Shame de Schmeckel. Et avant notre cher générique, c'était C'est pas de ma faute de Hello. J'avais envie de rebondir. Je sais pas, il y a un des témoignages qu'on a écouté avant qui me faisait penser à un truc. C'est que récemment, il y a quelques mois, j'ai retrouvé une boîte chez moi, dans ma chambre, chez mes parents, où j'avais laissé des brouillons de mes coming out, de certains coming out que j'avais fait quand j'étais ado, à des potes et à ma famille. Et je les ai relus. Bon, il y en a plein de versions, mais ça tourne beaucoup un peu tout autour du même truc. Et ça m'a fait me rendre compte du poids du secret qu'il y avait autour de mon homosexualité à l'époque. Il y avait une expression qui revenait à chaque fois, c'est que je demandais à la personne de garder ce secret pour elle, en lui disant que sinon... Enfin, j'avais du mal à imaginer les conséquences que ça aurait, et que ça aurait l'effet d'une bombe. Et bon, maintenant, j'ai pas mal avancé sur cette question, et c'est quand même plus simple, même si... Enfin, j'ai l'impression d'avoir un peu enlevé des couches de honte. Mais ouais, voilà, je sais pas, j'avais ce souvenir là, comme d'un truc, ouais, d'un hyper... hyper pesant, avec des conséquences que j'imaginais hyper graves, hyper importantes. Ouais. Ben ouais, c'est clair. Puis j'ai l'impression que ce dont parle le camarade dans sa chronique de les agressions, les guet-apens, tout ça, j'ai l'impression que c'est pas forcément des trucs dont on parle énormément, mais qu'en fait tout le monde a toujours entendu vaguement des histoires de trucs comme ça. Enfin, moi je sais que à la campagne là où j'habitais, il y avait toujours des histoires de. Il y a des espaces de cruising où il y a des gars qui se rencontrent, et en fait, de temps en temps, il y a des descentes de faf qui n'en disent pas le nom, mais enfin, voilà, juste de gars du coin qui. Et j'ai l'impression que dans ce truc de honte, ça joue grave, et ce truc de peur, comme il explique dans la chronique. Ouais. Sur les guet-apens, il y a un documentaire de Mediapart, je crois qu'il s'appelle Guet-apens, qui parle de ça, où ils disent qu'il y en a quand même, qu'ils en ont recensé un tous les 3 jours, je crois, sur 2022. Qu'évidemment, c'est sous. Enfin, que c'est beaucoup plus que ça, certainement, le chiffre, mais déjà, rien qu'un truc recensé. Par rapport à ça, la semaine dernière, il me semble, il y a. Tu grésilles. On t'entend pas très bien. Non. On a vraiment pas bien entendu. Tu grésilles quand tu parles. C'est passé quelque chose la semaine dernière. Effectivement. Viens donc dans le studio avec nous. Je voulais juste dire que, parlant de guet-apens, je crois que c'est la semaine dernière qu'il y a encore eu un PD qui a été assassiné en Suisse dans un guet-apens. Du coup, ça arrive quand même vraiment très fréquemment et toujours, c'est toujours d'actualité. C'est sûr, alors on imaginerait que ça devrait plutôt foutre la honte aux gens qui font ça, évidemment. Mais finalement, vu qu'on est toujours hyper bien placé pour eux, sans vouloir à nous-mêmes, ça finit toujours par nous retomber sur le coin de la tronche. Est-ce qu'on enchaîne avec deux autres petits témoignages que des camarades nous ont envoyés ? Yes. Je pense de quoi j'ai honte depuis longtemps, c'est d'exister, que ce soit dans mes anciennes vies, d'être Gwyn, d'être même une meuf cis qui ressemble pas à une meuf cis femme. Et aujourd'hui, peut-être effectivement, de quoi j'ai honte, c'est d'être gay alors que je suis un mec trans, pas opéré, par exemple. Ou, enfin voilà, je sais pas. Ouais, plus largement, c'est d'exister qui me fait honte, d'exister en dehors de plein de normes. Mais aussi de normes dans lesquelles on est censé. Enfin, desquelles on est censé combattre, mais qu'on reproduit finalement. Alors voilà, je pense que la honte, elle vient. Plutôt de la marge que d'être dans telle ou telle case. Donc du coup, plutôt. Par rapport à une norme, qu'elle soit sociale ou communautaire. Voilà. Qu'est-ce que ça me fait ? Ben, souvent, ça me fait que j'ai plus envie d'exister et que je vois aussi que autour de moi, à plusieurs reprises, ça a fait ce même effet de plus avoir envie d'exister. Et que du coup, plusieurs connaissances ou plusieurs potes ont décidé de quitter ce monde. Donc voilà, ça me fait envie aussi de réagir et de, face à cette honte, avoir envie de me battre, avoir envie de. De dire que c'est possible de pas exister à travers ça, de pas reproduire ces normes, de pas enfermer à des endroits et voilà, d'avoir un peu des trucs bateaux comme je vous aime, j'ai envie de faire la paix, je sais pas, des choses comme ça, un peu plus on s'en fout, bien on s'en fout et en fait, le monde est pourri et on essaye d'être solidaire et de se filer de l'amour et de la douceur et des choses comme ça. Et de la force, en tout cas. Je sais pas si j'arrive à sortir de la honte, en fait. À certains moments, oui, je prends de la force aussi auprès de mes potes et et de ce qu'on arrive à faire ensemble. Et... Mais je vois aussi tous les travers où ben, nos propres armes, elles se retournent contre nous à certains endroits. À certains endroits, on a la flemme de comprendre les autres et du coup, on crée nous-mêmes de l'exclusion. Voilà. Moi, j'ai envie de me battre contre ça aussi. Et donc, là où j'ai envie de contrecarrer la honte, ben... J'ai envie d'être, je pense, dans la naïveté et en fait dans la et aussi dans la sincérité et de quitte à passer pour un con, et ben voilà, quand même envoyer de l'amour et voilà, c'est déjà pas mal. Je sais pas quoi faire d'autre. Voilà. Et aussi poser des mots, et aussi être critique, et avoir de l'autodérision, c'est bien. Mais ça, je suis pas sûre d'y arriver, en vrai. Encore aujourd'hui, malgré toutes ces années traversées, eh ben, je pense que j'arrive pas encore à mettre à distance les mots. Je pense que je suis blessée par beaucoup de mots, ou par beaucoup de jugements, ou d'insultes. Et que souvent, ben, je reste quand même dans ces boucles et que ce qui me met mal, ben, ou ce qui me fait encore ressentir de la honte, c'est justement les mots des autres et comment j'arrive pas à les mettre à distance et comment aussi ils peuvent m'impacter et me faire douter de moi-même. Voilà. Hello, je viens de lire votre appel à contribution sur la honte. Donc si j'ai bien compris, c'est pas que autour d'être PD. Parce que moi, je pense que j'ai rien à dire là-dessus. Par contre, je pense que c'est un sentiment... duquel je suis très familier, parce que par exemple j'ai souvent honte parce que j'ai l'impression de pas être normal, de pas être aussi en forme que les gens autour de moi, de pas autant bouger, sortir de chez moi, sortir en soirée, aller en manif. J'ai l'impression que moi je ressens que j'ai pas envie ou pas l'énergie, mais du coup la partie honteuse de moi me fait dire que je suis feignant, et du coup c'est très dur. Aussi j'ai honte de ne pas réussir à réguler mes émotions fortes, notamment celles que je vis dans mes relations amoureuses quand ça va mal. J'ai honte d'être insécure, j'ai honte de souffrir et de pas réussir à me sortir de la souffrance. J'ai l'impression d'être que je devrais pas être comme ça. Et j'ai l'impression d'être trop dépendant affectivement, et donc j'ai honte parce que je me dis c'est comme si j'étais encore un enfant et les autres ils sont beaucoup plus indépendants que moi, et du coup en plus quand je suis mal j'ai besoin de mes amis, du coup j'ai honte de leur solliciter, de les déranger, d'être la personne problématique et lourde de mon entourage. Mais il y a quand même des choses qui m'aident. Par exemple, je me rends compte que En fait, j'ai pas honte tout le temps d'être moi. Et par exemple, qu'il y a des personnes en particulier ou des comportements en particulier de personnes qui animent ces sentiments, qui ravivent ces sentiments chez moi. Et donc, ça m'aide à me déresponsabiliser un peu de ce que je vis, parce que je me dis que je suis pas toujours comme ça, que je me sens pas toujours nul, que je me sens pas toujours insécure, et qu'en fait, y a aussi des personnes qui prennent pas soin de moi, voire qui ont des comportements humiliants avec moi. Et donc, ça m'aide de me dire que c'est contextuel, que c'est, ouais, lié à des contextes précis, que y a plein de gens qui me feront jamais sentir comme ça, avec qui je me sens fort, intéressant, et du coup, bah, ça me fait du bien d'être, m'entourer de gens qui me font me sentir, plutôt comme quelqu'un d'important, de précieux, et bien sûr avec des défauts, mais pas, honteux de ce que je suis, de comment je vis les choses, de mes problèmes, de mes incompétences sur certaines choses, et aussi ce qui peut me faire du bien. Des fois, j'ai honte parce que je me compare à des gens et je me dis, oh là là, ils sont tellement pertinents ou ils savent faire tellement de choses et moi je sais tellement rien faire à côté. Et du coup, ben, si c'est des gens avec qui je suis quand même en relation, et ben, des fois ça m'aide quand, ben, eux ils me disent de quoi ils ont honte, eux, ou c'est quoi leur complexe, parce que du coup ça m'aide à les désidéaliser et à me dire, ben oui, en fait, on a tous nos moutons noirs. Je sais pas si c'est une vraie expression, mais en tout cas notre côté petit vilain canard. Et aussi, et ça c'est le top du top, c'est quand, et ben du coup, on partage de tels liens qu'on peut prendre soin mutuellement de nos petits vilains canards. Voilà. Alors, c'était Gay Shame pour changer de type de chanson, mais cette fois-ci de Vetsek. Et maintenant, on va écouter le témoignage d'une copine en studio. J'ai écrit ces mots depuis ma chambre de clinique psy, endroit où la honte cohabite avec moi quotidiennement, de plein de manières différentes, sous plein de formes différentes. J'écris ces mots après avoir fait une énième angoisse matinale, pliée en deux sous la douche, les larmes montant aux yeux, la honte présente à cet instant. La honte, c'est peut-être le premier sentiment dont je me souviens, avant la joie ou l'euphorie d'enfant, peut-être même avant la tristesse. Mon premier souvenir remonte à un moment de honte à l'école maternelle de ne pas avoir réussi à suffisamment jouer les gros bras pour garder la trottinette avec laquelle je jouais, ajouté à la honte quand l'instit s'en est rendu compte. La honte, elle m'a suivi en primaire et au collège, puis au lycée et tout le reste de ma vie. Et aujourd'hui, j'y vois deux hontes principales. La honte d'être folle et de ne rien comprendre aux codes sociaux auxquels j'ai été confrontée, et la honte d'être pédée. Les deux se confondant, s'amplifiant probablement à plein de moments. La honte d'être pédée, elle, a commencé quand j'ai entendu pour la première fois « Décroise les jambes, on dirait un pédé ». Je devais être en cinquième. Elle s'est poursuivie quand à 14 ans, je me suis branlé devant du porno gay, du porno BDSM et du porno lesbien. À l'instant même où la giclée de sperme arrivait à la base de mon corps caverneux et que l'orgasme relâchait la pression, une montée de chaleur honteuse arrivait dans mes joues. La tête me tournait et j'effaçais immédiatement tout ce qui pouvait me trahir, supprimant l'historique de l'ordinateur familial, m'essuyant le plus rapidement possible, dégoûté par la quantité de ce liquide visqueux si dur à enlever, espérant que je n'ai pas oublié, un peu qui me trahirait. Cette honte d'être pédé, elle m'a sauté à la gueule quand, à 15 ans, une copine Gwyn m'a dit « Toi, t'es gay, mais tu le sais pas encore. » Dans les années qui ont suivi, j'ai eu honte de me retrouver avec la bite en érection d'un copain devant mon visage pendant que nous étions les deux enfermés dans les toilettes de l'internat. J'ai eu honte quand la rumeur que j'avais baisé avec lui s'est répandue dans tout le lycée, tout le monde se sentant libre de me demander si c'était vrai ou non. La honte d'être pédé, elle s'est poursuivie au début de ma transition, fière d'être Gwyn, mais ne voulant surtout pas être apparentée au pédé, faisant tout pour m'en éloigner, à l'exception de mon travestissement qui, au regard des gens, n'est pas assimilé à autre chose qu'au pédé. Et la honte a toujours été accompagnée de la peur. La peur de ne plus être aimée par les filles à qui je voulais ressembler, la peur de perdre le peu de potes gars que j'avais qui se seraient probablement sentis trahis. Puis la peur d'être passé à tabac quand pour la première fois j'ai entendu, depuis une voiture, une voix pleine de colère gueuler « Hey, suscouille !» Et quand, ou quand tous les jours je croisais la même bande de gars et que j'entendais des phrases comme « J'en peux plus de ce travelot, je vais le buter. » Et la honte s'est mélangée à la peur. La peur à l'angoisse et l'angoisse à la dépression. Et j'en suis là aujourd'hui, à la dépression. Alors la honte d'être pédé, je l'ai dépassée pas mal. Une copine de Pédale Scandale me l'a tatouée sur le bras. Je fais cette émission où j'en profite pour transformer les démons du passé, devenant peut-être moi-même un démon. Mais la honte d'être folle, les souvenirs nombreux qui remontent depuis des mois de tous ces moments où je n'ai pas eu les réactions adaptées parce que je ne comprenais pas ce que je devais faire, quelles devaient être mes réactions et la répression sociale qui s'en est suivie. La honte d'avoir besoin de douleur. La honte des brûlures sur mes bras que je me suis faites moi-même. La honte du « femme » et « folle » écrite au scalpel sur ma peau. La honte de devoir prendre des régulateurs d'humeur pour ne pas trop vriller. La honte de ne pas réussir à faire les nombreuses choses que j'aimerais pouvoir faire, pour ne citer que ça. Cette honte-là d'être folle, elle est encore bien présente et ce n'est pas juste un souvenir. Alors, je ne sais pas dans quel sens c'est arrivé, si la honte d'être folle a précédé la honte d'être pédé, mais ce que je sais, c'est qu'avec le temps, au milieu des transpédés Gwyn et des folles, ces hontes-là s'apaisent, qu'on les pense P-E-N-S-E et qu'on les pense P-A-N-S-E. Qu'on les transforme et souvent, c'est de l'amour entre nous que ça devient, et de la rage pour se battre. Pour que d'autres n'aient plus à la vivre, cette honte. Salut les pédales. Alors l'émission sur la honte, c'est dans quelques jours maintenant. Et malheureusement, je ne serai pas avec vous. Alors j'avais envie d'enregistrer un témoignage, mais ça fait plusieurs jours que je galère à enregistrer un témoignage qui parle de mes propres hontes. Et pourtant, ce sentiment de honte, je le connais bien, ce sentiment qui ronge de l'intérieur. J'ai l'impression que je le connais depuis très très longtemps, que je l'ai même toujours connu. Tu penses c'est arrivé assez jeune et ça a commencé par entendre une personne que j'aimais, c'est-à-dire ma mère, dire en permanence qu'elle avait honte de moi, se demander tout haut qu'est-ce qu'elle avait fait pour avoir des enfants comme ça. Alors, petit, plutôt, elle avait honte de moi parce que j'étais ce qu'on, comme on disait à l'époque, un garçon manqué. Quelle horreur, cette expression. Tout ça parce que, j'aimais pas qu'on m'habille avec des fringues de filles, j'aimais pas que jouer avec des poupées, j'aimais pas, j'avais pas trop les goûts stéréotypés de, enfin, les goûts de... qu'on attribue à une fille, quoi. Puis ça a continué ado. Alors ado, plutôt, elle avait honte de moi parce que j'étais chelou par rapport aux autres. J'étais déjà assez punk, que j'étais plutôt assez clairement attiré autant par les filles que par les garçons. Que j'avais des goûts déjà qui rentraient pas trop dans les normes, quoi. Ouais, en fait, ce truc, cette phrase qu'elle me disait qu'elle avait honte de moi, je l'ai entendue jusqu'à sa mort, en fait. Parce que adulte, elle avait honte que je travaille pas, que j'ai pas une vie dite normale, et puis plus tard que je sois trans. Je crois que ça a été très intense le moment où je lui ai annoncé, enfin c'est pas je crois, ça a été très intense le moment où je lui ai annoncé que je transitionnais. Et elle avait aucun problème à me balancer toute sa honte à la gueule. Voilà, et pourtant, bah, c'était ma mère, je l'aimais, et du coup, bah, j'ai beaucoup culpabilisé d'avoir ressenti un soulagement après sa mort. Mais va savoir pourquoi je me sentais soulagé. Mais bon, assez parlé de ma mère, je vais revenir à mes propres hontes. Moi, je crois que la honte, ça a toujours été un truc assez ambigu pour moi. Parce que à la fois, plus je me sentais méprisé, qu'on avait honte de moi, et du coup plus aussi, par extension, j'avais honte de moi, bah, plus ça m'a fait m'écarter de la norme. Et ce qui est plutôt positif, puisque ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes cheloues, de me créer une nouvelle famille, et de rencontrer surtout plein de chouettes personnes. Et de se permettre d'être fort et forte ensemble. Et d'une certaine manière, de transformer toutes ces hontes qu'on ressentait en fierté. Même si j'aime pas trop ce mot de fierté. Et en même temps, comme pour moi, en fait, la honte ou les hontes que je ressens, souvent, la plupart du temps, quand même, elles viennent de sentiment qu'on a honte de moi, qu'on me méprise, et ça se construire avec ça, c'est se construire aussi quand même dans un mal-être pour moi intérieur un peu permanent. Et ce qui m'a amené à avoir des consos excessifs d'alcool et de prod très très jeune, et de m'enfoncer dans des addictions. Et aujourd'hui, je crois que c'est vraiment de ça que j'ai honte, c'est d'être polytox depuis plus de 25 ans et de pas réussir à m'en sortir. Et aussi de me sentir assez seul là-dedans. Assez seul parce que je trouve qu'on en parle peu collectivement, alors que c'est des trucs qu'on est quand même un certain nombre à vivre, et ça reste assez difficile d'en parler. C'est carrément... ok, même plutôt bien vu d'avoir des consos récréatives, on va dire, mais que dès qu'on s'enfonce dans l'addiction, c'est compliqué et c'est honteux, quoi. Là, par exemple, aujourd'hui, je suis quasiment sobre depuis 3 semaines, pas par choix, mais parce que j'ai eu un souci de santé qui m'a obligé à arrêter l'alcool, notamment, depuis 3 semaines. Et par exemple, j'ai honte de plein de trucs en ce moment. J'ai honte d'avoir craqué 2 fois, par exemple, en 3 semaines. J'ai honte de compter les jours sans alcool. J'ai honte de savoir que je vais replonger. J'ai honte d'avoir envie de me droguer régulièrement alors que ça fait des années que j'ai arrêté la drogue. J'ai honte de me sentir dépendant de mes consos. J'ai honte d'avoir honte d'aller aux narcotiques anonymes. J'ai honte d'avoir besoin de consommer pour survivre à ce monde. J'ai honte d'avoir besoin de perdre le contrôle. J'ai honte de culpabiliser de mes addictions. J'ai honte de ne pas arriver à en parler avec mes potes. J'ai honte d'avoir envie de boire une bière tous les jours à 17h. J'ai honte de ne pas savoir m'amuser sans boire d'alcool ou sans consommer de la drogue. J'ai honte d'avoir envie d'héroïne tous les jours en ce moment. Mais surtout, je crois que j'ai honte de savoir que je vais finir par en crever. Moi, ce monde y met à l'envers quand la fatigue prend le dessus dans ma tête. Pour le cafard, c'est open bar, est-ce bâtard, c'est détourner la colère au bout de quelques verres. Jette la raison à la mer. Je me raconte pas que je suis à l'abri, je crois qu'on peut tous se cracher. Ouais, j'ai pas ton merci d'être là. V'là la force que vous me filez sur le trajet. Dehors c'est police partout, partout l'HP. Ils ont même plus besoin des murs pour nous enfermer. Les diagnostics contaminent le vocabulaire. Pareil qu'on dit plus bizarre, on dit bipolaire. L'épidémie psychiatrique passe son plein. Le pharmacien fait son blé, le policier va pas s'en plaindre. En vrai, je suis démuni devant un pote que son délire emmène trop loin. Face à matraque et tranxène, je veux bien apprendre à prendre soin. Je la crache au fond d'une canette, la retrouve dans celle d'après. Je la vomis un soir de cuite, mais il en reste celle de la veille. Je la coupe avec du speed, la 3, la dilue avec la tease. Mais elle est toujours là, dans mes yeux, ma voix, mes vrilles, mes fréquats, mes crises. La honte, elle me chasse, elle me matraque. J'ai beaucoup rire, essaye de fuir, je sais toujours qu'elle me rattrape. La honte, j'ai beau la noyer dans les 8-6 ou dans les flaques de larmes, elle sait nager dans mes abysses avec malice, cette bitch s'acharne. Je la chasse à coups de talons, la cache sous les couches de mascara, mais elle se lâche à travers chaque passant et ses crachins et ses regards. Je la vale pour avoir l'air fière, mais elle s'accroche et à sa grippe. Et quand j'ai cru que je la digère, la voilà qui me tord les tripes. La journée, elle me pisse, m'analyse, me laisse aucun répit. La nuit au lit, triste et finie, elle en profite, m'envahit. Et quand je lui demande pourquoi elle s'acharne à me pourrir la vie, elle me répond tout calmement, « Chérie, c'est pour venger l'homme en toi qui se sent trahi. » la honte, elle me chasse, elle me matraque, j'ai beaucoup rire, essaye de fuir, je sais toujours qu'elle me rattrape. La honte, j'ai beau la noyer dans les 8-6 ou dans les flaques de larmes, elle sait nager dans mes abysses avec malice, cette bitch s'acharne. La honte, c'est toi ou moi qui lâchera la première, j'ai pas choisi de te connaître et là j'ai plus comment m'en défaire. La honte, t'es une hémorragie de l'âme, lâche mes tripes, lâche mon crâne, sinon toutes les deux en crâne. Avec nos failles, nos lacunes, nos carences, avec nos failles, nos rancunes, nos caresses, avec nos manques, nos courages, nos paresses, on se tient entre caboche, cabossé, entre escadrilles et la carlingue. Comme on peut, on se parle, comme on peut, on s'épaule, comme on peut, on s'équipe, comme on veut. Vous êtes toujours dans Pédale Scandale sur Radio Dio 89.5 et sur RadioDio.org. Merci beaucoup, beaucoup à toutes les personnes qui nous ont envoyé des témoignages. Moi, en écoutant le témoignage d'un des camarades, je l'entendais dire « j'ai honte d'avoir honte ». Et ça me faisait penser à ce truc de « c'est vraiment la boucle de la honte » parce qu'en fait, on a honte d'un truc et après, on se rend compte que genre les gens qui nous entourent vivent ou font ce même truc et que du coup tout à coup ça fait avoir honte de soi de trouver que cette chose est craignose, que cette chose est honteuse et en même temps j'ai l'impression que c'est aussi ça qui peut permettre des fois de sortir de la honte, de se dire ah mais en fait je sais pas, j'ai honte d'être une pédale et en fait toutes les pédales qui m'entourent je les trouve admirables et incroyables et je défie quiconque de leur dire quoi que ce soit de négatif là-dessus et que du coup ben, c'est toujours avec soi en fait, c'est toujours que de soi qu'on a honte et très rarement des gens qui nous entourent quand ils partagent les mêmes vécus que nous. Me laissez pas seul. t'avais un texte, non? C'est le moment, non? C'est ce qu'on ouais, carrément. Ouais. Parler de la honte, de cette glu poisseuse qui coule dans notre sang, de ces barrières qu'on bâtit à l'intérieur, du visage qui chauffe et qui rougit, des yeux qui se baissent. Parler de nos corps, séparés entre beau et moche, découpés en beau et moche. Parler de la honte qui continue, celle qu'on croirait qu'elle disparaîtrait avec les plus jeunes, avec leur fierté, avec leur modèle belle et fière à la télé. De comment on se construit en opposition, avec toujours en tête qui on veut pas devenir, une image, une personne. Ce qu'on fait pour se différencier, pour mettre de la distance. Et comment, fatalement, on est cette personne pour quelqu'un d'autre. Parler de l'arnaque du siècle. On n'est toujours pas censé exister, mais on doit aussi faire beau sur la photo. De la honte d'être trop et celle d'être pas assez. Parler de comment on nous appelle, comment on s'appelle, comment nos noms dans plusieurs langues, c'est ceux qui sont brûlés à cause de qui ils sont. Parler de la fierté, l'amour de soi, l'amitié de soi. Ce qu'on construit au fur et à mesure, jour après jour, encore, et encore, et encore. Parler de comment je m'habille avec des fringues à fleurs chaque jour avant de sortir. Être visible, sortir et marcher dehors. De comment j'ai besoin de ça. Parler du déni à plein de moments, de l'habitude et de l'automatisme, de comment des fois j'oublie comment je suis habillée et je me retrouve là avec mes fleurs et j'avais pas prévu, pas vraiment. Alors parler de la honte, du rouge qui monte aux joues. Parler d'être visible, sentir ses regards sur soi quand on voudrait disparaître. Parler de la honte. L'autre jour, en allant payer le jardin, j'avais mis mes fringues à fleurs sans y penser et une fois là-bas, dans ce monde d'hommes cis hétéros, j'ai eu honte. Je me suis vue dans ce monde en décalage total. Et j'ai eu honte, pas tant pour moi que pour l'homme qui m'accompagnait, qui faisait le dossier avec moi. Honte pour lui d'être vu avec moi, d'être associé à moi. Le rouge qui monte aux joues. Et puis ça s'est fini, et puis je suis sorti. Et heureusement, j'ai quelques années d'expérience dans les pattes avec moi-même. J'ai eu le temps de construire une relation avec moi, une relation d'amitié. Je suis ce PD honteux d'exister parce qu'il avait oublié de disparaître ce jour-là. Mais je suis aussi son ami qui le prend par la main quand il sort et qui lui dit « Hé, regarde-toi, t'as même pas pensé, t'es allé à cet endroit où on t'attendait pas et t'existes. » Alors je me vois comme regarde un ami, avec de la tendresse pour ce PD visible et plein de fleurs. Parler de la fierté, c'est parler de ce travail qu'on fait, de casser ses barrières, de casser les interdits, de se regarder avec tendresse pour pouvoir s'aimer, et de le faire encore, et encore, et encore. Et je vous regarde, les timides, les folles, les sérieux, les scandaleuses, les généreux, les apeurés. Je vous regarde avec toute ma tendresse, et j'ai envie qu'on y arrive fort, qu'on se regarde et qu'on s'aide, qu'on se renforce. Je vous regarde toutes celles et ceux et tous les autres qui existent, qui sont visibles, et à chaque fois, n'importe où, ça me donne de la force, ça me donne du courage, ça me donne une joie intense de savoir que vous êtes là. Je suis fier et impressionné de ce que vous faites, et je voudrais qu'on pète ce truc de honte, qu'on l'évacue de nous-mêmes, de nos têtes, de nos corps, une bonne fois pour toutes, et encore, et encore, et encore. Et je vous aime tellement quand je vous vois, que je suis capable de m'aimer quand je me regarde. Merci. En fait, je sais pas si j'ai encore honte aujourd'hui d'être PD, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai encore les traces de toute la honte passée que j'ai eue en moi. Et je me rends compte depuis quelques temps que ça a encore un impact assez important en fait dans mon quotidien. Cette honte, je l'identifie assez facilement à partir de la période du collège parce que je m'étais vraiment pris dans la gueule tous les rôles de genre et le fait qu'en fait tout ce que j'aimais, c'est-à-dire principalement des trucs de filles, bah en fait c'était plus possible de le faire. Et je me rendais compte à ce moment-là que j'étais très souvent à côté de la plaque, voire même la plupart du temps. Mais souvent, je m'en rendais compte trop tard. Je m'en rendais pas compte tout de suite. Et ça a créé un peu une terreur en moi d'être ridicule ou de faire quelque chose qu'il ne faut pas. Et face à ça, j'ai commencé un peu à préférer à ne plus rien faire plutôt que de prendre le risque de faire et que ça aille pas. Et assez paradoxalement, en fait, tous ces réflexes, ils ont perduré et ils ont entravé, je pense, ma découverte des espaces PD et queer. Après que j'ai quitté ma région pour mes études et que je sois arrivé à Paris. Parce que, alors que j'avais une fascination pour plein de pédales, plein de gouines, de queer en général, en fait, j'avais un peu des mécanismes similaires qui faisaient que j'avais peur de ne pas avoir les codes, j'avais l'impression que j'arriverais jamais à être comme toutes ces pédales que je trouvais incroyables, avec des mécanismes un peu similaires de peur de mal faire, d'être ridicule. Et encore aujourd'hui, alors que maintenant les espaces PD, bah ça va, je dois des fois me faire vraiment violence pour m'empêcher d'être paralysé par la honte. Par exemple, il y a quelques mois, j'ai commencé une nouvelle relation amoureuse avec un camarade, et c'est très chouette, et il se trouve qu'il fait du drag. Et donc je lui ai demandé de m'apprendre quelques bases de make-up, parce que j'y connais vraiment rien. Et quand il a commencé à m'apprendre, eh ben, j'ai vraiment eu à nouveau cette paralysie de... que j'allais mal faire, que ça allait être nul, que j'allais être ridicule. Et il a vraiment fallu que je me fasse un peu violence pour dépasser ça. Et en fait, pour lutter contre ça, j'ai un peu l'impression qu'il faut, d'un point de vue individuel, un peu valoriser nos échecs. Genre, là, c'est facile, mais pour le make-up, je me suis dit que c'était cool, au final, de ressembler à rien, parce que ça faisait hyper tapette de ressembler à un camion volé. Et d'un point de vue plus affinitaire, sinon, bah, je pense que pour dépasser la honte, c'est un peu du travail quotidien de se soutenir, de se donner de la force, de l'amour, de s'encourager, de se complimenter entre amis, amants, amantes et camarades. Et sinon, d'un point de vue plus collectif, bah, en fait, je crois que c'est par la lutte et c'est par le militantisme qu'en fait, ça nous permet de nous sentir puissants, que ce soit par l'entraide communautaire ou par l'action de rue ou des choses comme ça. Et qu'en fait, c'est pas pour rien que la marche des fiertés... À la base, bah, c'était prendre l'espace et prendre de la place dans l'espace public. Parce qu'en fait, c'est ça, lutter contre la honte. Ouais, on se disait hors antenne tout à l'heure que c'était une émission quand même un peu lourde, que ce thème, on l'avait choisi, on avait envie d'en parler et que ça nous a du bien, mais que c'était quand même assez lourd. Et en même temps, il se passe aussi des... Enfin, là, entre les témoignages... Il y a aussi des... Voilà, enfin, je pense que ça nous fait du bien de parler de tout ça. Et on avait peut-être envie d'essayer de voir s'il n'y avait pas des choses un peu... Le pendant un peu positif à tout ça, à se raconter peut-être. Et moi, je crois que j'ai un peu une... envie de raconter un petit truc qui s'est passé au dernier WEP. Donc, un week-end PD. Moi, c'était mon premier. Et donc, je pense qu'en termes de... Bon, dans mon parcours de PD, c'était pas rien. Et en termes d'enlever des couches de honte, je pense que j'en ai enlevé 2-3 alors que j'avais pas fait ça pendant des années. Et notamment, il y avait une soirée électro à côté de là où avait lieu le web, qui n'avait rien à voir avec le web, et qui n'était pas spécialement le genre de soirée où on serait allés les uns les unes les autres. Et on allait tous les uns et les unes après les autres, et on en revenait complètement dégoûté en se disant « la musique est nulle, l'ambiance est pourrie, et c'est de la merde ». Et en fait, on s'est fait une motive à y aller à tout un groupe de pédales, et bon, on était pas que sobre, mais donc je pense que ça a un peu joué. mais il y avait quand même, pour moi, il y avait un truc un peu magique qui s'est passé quand même, où on a imposé notre truc, et où pour le coup, ce truc où individuellement, je pense qu'on se sentait tous pas à notre place, on sentait un regard hyper dur à prendre. Moi, j'y suis allé avec un copain qui était en talons et tout, mais je me disais, mais qu'est-ce qu'on fout là? On a un peu peur, on était pas bien. Et en fait, d'y retourner en groupe et d'imposer notre truc et de danser au milieu des gens et de se surveiller les uns les autres, et on était dans un truc un peu de bisounours, mais c'était hyper beau. Et voilà, j'ai l'impression que c'était vraiment en une heure passé de, pour le coup, la méga honte à la méga. En fait, on est là, on fait notre truc et cool. On s'en fout, quoi. C'est tout. Ben, tant qu'on en est aux anecdotes qui font grave sortir de la honte, moi j'ai trop un souvenir de ouf de je sais pas en quelle année c'était, je pense 2021, un truc comme ça. 2020-2021. L'espèce de revival de la manif pour tous. Quand il y avait eu la question de la PMA pour tous et toutes, et tout ça, qui avait tenté de faire une manif à Saint-Thé. Et où en fait on s'était retrouvé à genre 6-7 à faire une banderole et à pas trop savoir s'il allait y avoir du monde. Et en fait, en plus, c'était moment après confinement nani, où en fait les rassemblements c'était toujours un peu pas autorisé, pas interdit, on sait pas trop. Bref, et où en fait on s'est retrouvé à beaucoup, où on a genre pourchassé la manif dans tout Saint-Thé, et où surtout, je sais pas, il y a eu ce moment incroyable où on arrive à Jean Jaurès et où il y a une pédale trop fabuleuse qui genre vraiment court solo et se fout devant la banderole de la manif pour tous vraiment seule et leur fait deux gros doigts comme ça en leur hurlant je sais pas quoi et je sais pas, moi ça m'a vraiment fait un truc de ah waouh, en fait on peut être ça et je sais pas comment dire, et où tout à coup ça m'a fait apparaître en même temps que vraiment ces gens ils venaient nous dire que c'était la honte ce qu'on était, et qu'en fait je pense que je me l'étais pas vraiment dit, je voyais bien quoi c'est pas bien la manif pour tous nani, mais que là tout à coup ça m'a fait prendre conscience et en même temps de genre la malfaisance de ces gens et de la beauté de cette pédale qui était en mode mais en fait mais je vous emmerde tellement fort, ça m'avait fait trop du bien. Bah c'est le viens on s'en fout d'un des témoignages qu'on a écouté, ouais, c'est hyper puissant, enfin bon, c'est pas toujours facile, des fois c'est plus facile à dire qu'à faire, mais quand on y arrive c'est fort quoi. Moi, je voulais juste dire un petit truc de beau que peut faire la honte. C'est que ça fait cette émission et ça fait qu'en studio, ben, on se fait des câlins entre chaque témoignage, qu'on a les larmes aux yeux et que c'est un moment de partage qui est vraiment super chouette. Et c'est un moment de partage de souvenirs aussi et qu'on partage aussi avec vous. Et en fait, sans la honte, peut-être il n'y aurait pas eu cette émission. Justement sur nos petites hontes, on enchaîne avec ça, non ? Eh ben ouais, tout à fait, parce que finalement, ce qui fait du bien dans la honte, c'est quand même de se la partager pour l'annihiler. Alors, on vous a préparé un... Ouais, j'ai dit annihiler. La honte. La honte. De quoi j'ai honte ? Des trous noirs après une forte conso d'alcool. De ma propre homophobie. D'aller manger des trucs compulsivement dans le frigo pendant la nuit. De parler de moi et de parler tout court. Dire des conneries publiquement. De mon manque de connaissances militantes. De pas appeler mon grand-père pour son anniversaire parce que j'ai peur qu'il ait oublié que j'ai changé de prénom. D'être un vieux au milieu des jeunes et de passer pour un boomer. D'être parfois très peureux. De mes blagues qui flopent. De me nourrir soit n'importe comment, soit pas du tout. De mes privilèges. De mes boutons. De mon attachement anxieux. Et puis aussi tout un pan de ma sexualité. De bien aimer me faire draguer salement dans la rue. De surkiffer la levrette. De kiffer la douleur et le sang. De pas être plus à l'aise physiquement et tactilement. Et parfois, de ne pas avoir une vraie bite. J'ai honte d'envoyer ça au dernier moment. Et ben voilà, on arrive à la fin de l'émission. Vas-y, je te laisse un thème. J'ai écrit un petit texte pour conclure. J'ai honte quand c'est simple. J'ai honte quand c'est compliqué. J'ai honte d'avoir du désir. J'ai honte d'avoir pas de désir. J'ai honte d'être une pédale. J'ai honte d'avoir été hétéra. J'ai eu honte de ma famille et j'ai honte d'avoir eu honte de ma famille. J'ai honte de parler, j'ai honte de me taire, j'ai honte de mes sentiments. J'ai honte quand j'ai l'impression de ne rien ressentir. J'ai honte d'avoir le cerveau niqué. J'ai honte de tout le temps l'oublier. J'ai honte du monde comme on le laisse exister. J'ai honte d'être fainéante, j'ai honte de m'énerver, j'ai honte de rester calme, j'ai honte de survivre, j'ai honte d'exister, j'ai honte de parfois envie d'arrêter d'exister. J'ai honte de souvent bien aimer la vie quand même. Finalement, on se rend compte qu'on finit par avoir honte de tout et de son contraire. Que le placard dans lequel on s'est tenu et les 1000 petites aiguilles du cis hétéropatriarcat qui nous disent que ce qu'on est au fond, c'est pas ok, nous amène à douter de tout, à s'en vouloir de tout, à toujours se demander ce que d'autres auront à en dire, à toujours essayer de deviner tout le mal que les autres pensent de soi et de ce qu'on fait. Est-ce qu'on va finir par réussir à se foutre la paix ? Les mots des autres, ça rentre dans la tête et ça fout la honte. Ça abîme, ça s'immisce partout. Les mots des autres, on les nettoie, on s'en protège et on les élimine. En faisant des familles, en faisant des manifs et en faisant des blagues. La honte, on l'attaque à plusieurs, parce que même à 1000 contre la honte, ça reste équilibré. La honte, on l'attaque comme on peut, quand on a l'énergie, à coups de rire, de méchanceté et d'ironie. Des fois, on est tous et toutes ensemble et on a le droit de dire les mots de la honte qui ouvrent les blessures et les laisser saigner ensemble. Et c'est ok, parce qu'on l'a décidé. C'est comme du BDSM de la tête. C'est de la santé communautaire de se sortir la honte douloureuse et la jeter en l'air et tirer dessus avec toute notre joie, notre colère et parfois notre désespoir. Et surtout, n'aie pas honte quand tu n'y arrives pas. Et surtout, n'oublie pas, la honte, il y en a plein qui n'en ont pas du tout. La honte, elle disparaît avec les amis, avec les années, avec les attentions portées à se tenir chaud et à pas oublier qu'on est toujours plus tendre avec les autres qu'avec soi-même. La honte, elle disparaît quand on est arrivé au bout d'elle et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait tout un tas de honte qu'il n'y avait pas à avoir et que toutes les autres hontes devaient juste servir à se donner de la force pour entreprendre de changer le monde et les choses. La honte, elle disparaît quand on commence à la partager avec les autres, quand on se rend compte qu'on a les mêmes, quand on se rend compte qu'elle n'a pas de sens et quand je me rends compte que la plupart du temps, ce dont je me faisais une montagne fait juste sourire mes amis de tendresse. La honte, c'est un peu comme le silence. Elle commence à disparaître quand on commence à prononcer son nom. Voilà, chers pédales, on vous souhaite d'être bien entourés en cette période finalement bien déprimante et d'avoir autour de vous des personnes avec qui oublier toutes vos hontes. Pour finir, petit point agenda des jours à venir à Saint-Étienne. Le mercredi 10 avril à 15h, départ devant Geoffroy Guichard du Tour pour Gaza, une manif à vélo et à tout ce qui roule à l'appel des Gaza Sunbirds. Le jeudi 11 avril à 19h30, repas en soutien à l'UNWRA, Office de soutien aux réfugiés palestiniens, pour l'Aïd à la Tablée. C'est possible de réserver sur le site de la Tablée. Et samedi 13 à 19h à la CAL, discussion sur le mouvement antifasciste avec la Horde organisée par le comité Antifa. Bonne soirée à tous et toutes et on se retrouve le 13 mai pour une prochaine émission. Bisous. péder. L'anulingus, ça fait péder. Le sida, ça fait péder. Les IST, ça fait péder. Les capotes, ça fait péder. La GPA, ça fait péder. Le mariage gay, ça fait péder. Les urinoirs, ça fait péder. Les saunas, ça fait péder. L'internat, ça fait péder. Le service militaire, ça fait péder. Les casernes de pompiers, ça fait péder. Les parcs la nuit, ça fait péder. Les bars gays, ça fait péder. Le marais, ça fait péder. Le vieux Lille, ça fait péder. La plage de Barcelone, ça fait péder. Les calanques de Marseille, ça fait péder. Partout on peut baiser, ça fait péder. Bien décoré, ça fait péder, ça fait péder. Les jardins bien cultivés, ça fait péder, ça fait péder. Les habits bien arrangés, ça fait péder, ça fait péder. Les cheveux tout colorés, ça fait péder, ça fait péder. Paul David, ça fait péder. Pipo Del Bono, ça fait péder. Les livreurs des PD, ça fait péder. Patrick Devers, ça fait péder. Paul Douglas, ça fait péder. Pierre Dupont, ça fait péder. Pascal Daniel, ça fait péder. Philippe de Fionde, c'est mon beau-père. Ses initiales, ça fait péder. Tout fait pédé, tout est pédé, tout est pédé, tout fait pédé.